On est à Goma avec Solange Lusiku, qui est éditrice du journal Le Souverain, basé à Bukavu. Bonsoir, Solange. Bonsoir, cher concert. Donc, je commence avec juste une petite introduction, si c'est possible, de m'expliquer c'est quoi Le Souverain. Le journal Le Souverain, c'est un journal indépendant. Quand j'ai dit indépendant, c'est pour essayer de différencier un peu par rapport aux autres médias, parce que la majeure partie des médias congolais, soit ils appartiennent aux hommes politiques, et d'autres, c'est des médias publics. Et à côté, il y a des médias communautaires et des journaux, il n'y en a pas assez. C'est un journal qui a été créé en 1993, lorsque le dictateur Mobutu, qui était le président de la République du Zaïre à l'époque, avait accepté d'ouvrir un peu le secteur des médias. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de journalistes ont trouvé des titres pour commencer des journaux. Et les autres se sont mis ensemble pour commencer des médias communautaires. Et alors, l'ancien éditeur, il a travaillé, il a cru que comme l'État permettait que les médias commencent, que l'État allait donner des subventions par la suite. Mais depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, cela n'a jamais été le cas. Alors, beaucoup de titres ont disparu. Beaucoup d'autres, si je parle des médias communautaires, sont restés parce que c'était des communautés qui les prenaient en charge. Mais parmi les journaux qui sont restés, il y a le journal Les Souverains, dont les fondateurs avaient trouvé une formule simple pour que le journal vive. Comme c'était vers les années 90 qu'il y avait boom du VIH-Sida et qu'il y avait beaucoup de fonds pour combattre le VIH-Sida en Afrique, il avait budgétisé l'impression du journal. Son journal a résisté un peu, mais tout à coup, vers les années 97, il y a la rébellion qui est arrivée au Congo, et cette rébellion n'a pas permis aux journaux indépendants, aux médias indépendants d'œuvrer en toute quiétude. Maintes fois, son matériel était pillé, les bureaux saccagés. Bon, quand il refaisait surface, il commençait à écrire. Malheureusement, lorsque la rébellion s'en est allée, il voulait reprendre le travail, mais la maladie a décidé autrement. Il est mort le mois d'avril. Il m'a contacté le mois de février pour me demander de le représenter quand il s'agit de son journal. Il voulait me le donner. Alors, comme ça avait pris un caractère curatif, mon mari m'a encouragé à aller dire oui, même si je ne vais rien faire par la suite, parce que c'était ça son souci. Alors, je suis allée lui dire oui, que j'acceptais, et il était content. Et quand il est mort, je suis restée toute tremblante. J'ai eu peur d'avoir promis à quelqu'un qui est mort. Et c'est en ce moment-là que mon mari m'a permis de toucher dans la petite épargne familiale pour produire un numéro ou deux numéros. On a parlé un peu avant et vous avez mentionné qu'en fait, les sujets que vous couvrez sont un peu plus sensibles à la plupart des reportages qui sont faits souvent dans cette région. Est-ce que vous pouvez parler des sujets que vous traitez de jour à jour? Oui, vous savez qu'au Congo, nous sommes dans une jeune démocratie qui est fragilisé par des dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir. On doit dénoncer ce qui se passe. On doit parler librement, on doit s'exprimer librement. Alors, quand on s'exprime librement par rapport, par exemple, aux tentatives qui sont multiples à vouloir briguer un troisième mandat pour notre président, c'est déjà un sujet sensible. Quand on doit dénoncer les pillages de nos ressources, alors que les multinationales, surtout canadiennes, sont nombreuses ici, et ce sont des multinationales qui sont fortes, des multinationales qui sont même parfois citées parmi ceux qui avaient armé la rébellion au Congo. Quand on essaie un peu de critiquer ce que font ces multinationales-là sur les populations locales, en les déplaçant comme elles veulent, c'est déjà des sujets sensibles. Quand nous nous attaquons aux convoitises extérieures qui font qu'il y ait une guerre qui ne se termine jamais au Congo. Donc nous citons par exemple le Rwanda, nous citons le Burundi, nous citons l'Ouganda, et c'est des pays vraiment voisins, donc c'est toujours des sujets sensibles. Quand vous écrivez sur ces sujets que vous avez mentionnés, quels sont les impacts, par exemple? Est-ce qu'il y a des fois des menaces? Quand on écrit et qu'on se range du côté de la population, ceux qui sont contents, ils sont nombreux, mais ils sont faibles. Ceux qui vous en veulent, ils ont l'argent, ils ont les armes et ils ont le pouvoir. C'est déjà un problème. Alors, nous disons, nous travaillons pour le Congo et pour les générations futures. Parce qu'on nous a toujours taxé d'être de la culture orale, de la tradition orale. Et c'est pourquoi les Congolais oublient vite. Même celui qui est venu tuer des millions de gens au Congo, après une année, les Congolais oublient. Mais nous avons dit, plus question d'oublier, nous participons à la constitution de la mémoire collective du Kivu. Donc nous écrivons tous les événements qui se passent chez nous pour que les enfants qui viendront après nous, qu'ils lisent et qu'ils comprennent ce qui s'est passé à un certain moment. J'imagine que vous touchez, que les sujets sensibles comme ça peuvent toucher le pouvoir. Oui, ah oui. Dans une manière nous touchons dangereuse. Le pouvoir. Et si je dois maintenant vous parler de ces menaces, je ne saurais pas compter combien de fois on est menacé de manière permanente. Quand c'est le pouvoir qui a été, qui s'est senti égratigné par vos analyses, il vous taxe d'être de l'opposition. Lorsque c'est le tour de l'opposition, on vous taxe d'être du pouvoir. Lorsque vous touchez la société civile, on dit que vous n'avez pas d'amis. Et alors, on vit de manière permanente sous menace. Souvent, des menaces étaient fortes. On nous a promis la mort. On nous a promis de nous faire tout ce qu'ils veulent. Vous savez, quand on veut faire peur à une femme, on peut lui dire tout. Parfois, j'ai été obligée de fuir pendant un mois, deux mois. Nous, c'est un journalisme qui nous apprend à naviguer à contre-courant. Au moment où tout le monde, l'eau descend sur une colline, nous voulons remonter pour voir ce qui se passe sur la colline d'où cette eau est en train de jaillir. Et vous avez aussi, je pense que vous avez aussi des défis logistiques en termes d'imprimer les journaux. Comment vous organisez pour concernant les défis logistiques? C'est en fait un journal, un mensuel. Et le problème que nous avons et qui ne peut pas se résoudre aujourd'hui, c'est celui lié au manque d'imprimerie dans tout l'est du Congo. Le site Kivu, c'est une province avec 8 territoires. Le seul territoire de Shabunda parmi les 8 territoires, plus la ville de Bukavu, ce seul territoire de Shabunda est plus vaste que le Burundi. Vous vous imaginez? Donc, c'est un autre pays. Il n'y a pas d'imprimerie là-bas. Ici, au nord Kivu, le nord Kivu est encore plus vaste que le sud Kivu. Il n'y a pas d'imprimerie. Le Maniema, la même chose. Alors, pour imprimer, nous allons à Kampala, en Ouganda. Pour les gens qui comprennent pas la distance, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas la distance, mais pour aller en Ouganda, il faut quitter le Congo, passer par le Rwanda, traverser le Rwanda pour aller en Ouganda. Et si vous prenez le bus qui roule à vive allure, vous quittez Bukavu à 7h, vous serez en Ouganda à 5h du matin du lendemain. Vous y arrivez les pieds gonflés parce que vous avez beaucoup voyagé comme ça. Et le lendemain, vous êtes dans une imprimerie, vous imprimez. Et le surlendemain, vous faites l'assemblage. Un jour après, vous vous retrouvez encore dans des bus. Vous rentrez au Congo avec le journal. Et après, lorsque le journal arrive, vous respirez parce que, vous savez, l'espace démocratique n'est pas ouvert au Rwanda. L'espace démocratique n'est pas très ouvert en Ouganda. Et donc, vous y allez tout en étant prudent. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture de la RDC par le média international? Moi, je pense que, en fait, le monde, il est grand. Tout le monde ne connaît pas la République démocratique du Congo. Mais ce que moi, je dénonce et que je refuse vraiment avec la dernière énergie, c'est que le monde nous regarde sous les lunettes du viol. Que quand on parle de la République démocratique du Congo, qu'on ne voit que le viol. Alors que le viol, c'est une conséquence de tout ce théâtre de violence qui se passe chez nous et qui ne vient pas de chez nous. Au fait, la guerre au Congo, c'est une conséquence des convoitises économiques des grandes puissances qui ont utilisé nos voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, pour entrer au Congo, pour piller. Malheureusement, en pillant, ils tuent, ils violent, ils volent, et c'est ça qui fait très mal. Et quand une femme congolaise est violée, tout le monde en fait une histoire, tout le monde en parle. C'est comme si nous sommes nés avec le cachet du viol sur le corps. Et moi, je m'insurge contre ça. Nous subissons les viols. Nous ne sommes pas de la culture du viol. Surtout quand nous comptons, il y a de cela 5 ans, on a dit qu'il y avait 6 millions de morts au Congo. Mais il n'y a personne qui parle de génocide. Il n'y a personne qui mobilise le monde entier par rapport aux problèmes que nous connaissons au Congo. Si nous voyons ce qui se passe à travers le monde lorsqu'il y a assassinat de 15 ou 10 personnes, c'est le monde entier qui se mobilise. Donc les Congolais ne représentent rien à la face du monde. Donc un Congolais n'est pas un humain comme tant d'autres. Et ça fait très mal. Mais que le monde entier sache que les Congolais, ils sont en train de tirer des leçons. Et les années à venir, nos enfants demanderont des comptes à la communauté internationale. Est-ce que vous avez un peu d'espoir pour le futur, étant donné que maintenant, on voit qu'il y a la jeunesse qui commence à s'organiser, par exemple, contre l'extension du mandat du président? Si on n'avait pas l'espoir, on se serait déjà suicidé, mais ce n'est pas dans notre culture. Certaines personnes pensent qu'ils nous ont déjà mis face à une fatalité, mais nous nous disons malgré la guerre, la vie continue. Nous continuons à nous battre et chacun sur son front. Le docteur Mukwege répare ce qu'eux, ils ont déchiré. Nous nous écrivons, les autres publient, les autres se battent dans des ONG, les autres se battent en politique. Nous continuerons à nous battre jusqu'au bout et un jour, le soleil s'élèvera. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci.